coupable de respect. Mais coupable que reste c'est seulement qu'on est poursuivi par comment on se perçoit. Je dis ça mais je m'aperçois. J'ai tellement toujours suivi ou laissé faire. Soit je blesse les personnes. Et comme tu verses ça, comme mes personnes. Je doute que quand je te traite de gros lâche. Mes mots je mange, mais les fonds forts. Je voudrais peut-être leur arsonne dans mes gauches nages. Comme tout le monde, mais dans le but, y'a tellement disent que j'ai des cauchemars où on m'inonde du monde. C'est sûr que les gens disent. Franchement, si je m'en tire ce que les gens disent. Gauchement comme un champion, je mange une claque des gencives. À chaque groupe de salive, tu vois qui salive ce qu'on vient de vivre. Soit je pisse en disant y'a combien de vivre dans le banquet. Tu trahis sans vous t'inquiéter à ce que les autres s'en privent de pas en manquer. Si j'suis tout le temps en train de te coller, c'est parce que j'te calé. Pis j'vois les aspects de toi qui pour les autres sont voilés. J'dois l'avouer, j'ai du respect. Pis c'est en mettant pas à part les voix ou dans ton dos j'ai parlé. Que j'reste, tu restes pris, j'reste prêt. Tu fais partie de mon esprit, même quand j'm'exprime en escrime. Ça te laisse en esti, mais j'm'estime pas, j'ai confiance. J'm'estime pas les gars de ta sorte qui font en sorte que j'ai une conscience. Faut qu'on se lance sans qu'on se lasse, qu'on s'en sorte. Faut qu'on fonce sans qu'on se casse, qu'on s'en sorte et que ça saute. Sinon, on se casse. On se confond avec ceux qu'on écrase. Fait que dans le fond, c'est notre faute. Qu'on aime, je me souviens que ça vient des cours d'école de primaire. On est pas chanceux quand même, ce seul protocole des rimeurs. Tout souci pourri, même si nourri ou ragout des ragots et primeurs. Tout souris au cas où t'aurais le magot. Mais la rumeur de la rue trahit comme un librasco et tue comme une tumeur. On rit du style de bain des autres, les traits de frimeurs au concert. On se destine à la fin des nôtres comme les fumeurs par le cancer. Nos humeurs, on s'en sert pas adéquatement. La fureur, la lueur de l'incendie et on s'en sort pas par des boîtements. Quand le feu est pris, si la sueur est pressentie, c'est que la censure, c'est pas que je sois dedans. Mais j'en suis peu épris, surtout pas de devenir un vieux aigri. J'pris un peu épice, mieux écrit ce que j'veux. J'écris ce que j'ai vu d'éveil, pris au creux de ce qui m'a déçu, mais élevé. Car j'ai su qu'il m'a dit c'est, mais là-dessus j'ai mal à viser et m'énerver. Briser une amitié, j'suis pas capable de couper le câble. Tu sais, j'fais pas pitié, j'suis aussi coupable. En fait, tu m'enivres quand je te dis que tu m'énerves. Je te délivre ma verve comme un délire de minerve. Car ta manière de vivre parfois amène ma déception. C'est le regard froid de la conception d'un autre gars qui au cas fait pas exception. C'est déroutant, dégoûtant, y'a plus de réception. Tout le monde parlant tout le temps, se foutant des perceptions. Tiré d'une pure fiction, un monde sans imperfection. Père ou impair à l'intersection, y'aura toujours deux frères sur cette sincère session. Pourquoi qu'on laisse pas faire le stress, l'agression, la crise de pression, la crasse, l'oppression nous rend stiff. J'ai l'impression que je te demande où faut que même les sceptiques restent réceptifs. Reste réceptif. Incapable de respect, mais coupable que le respect.